Exemple numéro 1, la rumeur grandit, 1950. Il a fait chaud toute la journée. Mais dans le bois où nous sommes, comme il fait bon. Les oiseaux chantent. Voici là-bas le garde-chasse qui rentre chez lui. Ce sont ses pas que vous entendez sur la route. Mais voici qu'il s'arrête. Il écoute. Que se passe-t-il? Jean, Jean! Non. Si, je le veux. Tu n'iras pas. Jean, laisse-moi aller. Non, Jeannette. Ah, Jean! Écoute-moi bien. Mais ce sont Jean et Jeannette? Tiens, tiens, tiens. Les amoureux. Le garde continue sa route. Sa femme l'attend à la maison. C'est moi. C'est moi. J'arrive, Julien. Oh, quelle chaleur. Tu n'es pas trop fatigué? Non, ça va. Mais je prendrai bien un verre de vin. C'est facile. Je te le verse. Merci. Alors, quelle nouvelle? J'ai rencontré Jean et Jeannette. Jeannette? La fille de l'épicier? Oui. Où les as-tu vues? Près de la forêt. Oh, l'épicier n'aime pas voir sa fille avec Jean. Oui, je le sais bien. Il a tort. Jean est un bon garçon. Peut-être bien, mais... Sa mère est malade. Ouf, ce n'est pas une raison. Et que faisait-il? Il discutait. Ah ah. Et que disait-il? Je ne sais pas. J'ai seulement entendu Jean dire à Jeannette, tu n'iras pas. Ah! Tout cela finira mal. Ou bien. Ah, on verra. Le lendemain matin, le facteur fait sa tournée. Il arrive chez le garde-chasse. Madame Julien? Du courrier. J'arrive, facteur. Belle journée, facteur. Ah, magnifique, madame Julien. Un verre de vin, facteur. Ah, volontiers. À votre santé. À la vôtre. Dites donc, facteur, vous savez que Jean et Jeannette se sont disputés. Jeannette, la fille de l'épicier? Oui. Ils se sont disputés hier soir. Oh, ce n'est pas vrai. Si, mon mari les a vus en revenant dans la forêt. Oh, quelle histoire! Oh, ne m'en parlez pas. Excusez-moi, mais il faut que je continue ma tournée. Oh, bien sûr. Bonne journée, facteur. Merci. Le facteur arrive sur la place du village. Il entre chez la boulangère. Bonjour, Madame Lecœur. Bonjour, facteur. Voici deux lettres, Madame Lecœur. Ah, merci, facteur. À propos, est-ce que vous avez vu Jeannette ce matin? Jeannette? Oui, la fille de l'épicier. Non? Tiens, ça m'étonne qu'elle ne soit pas encore venue chercher son pain. Oh, il ne faut pas vous en étonner, Madame Lecœur. Pourquoi? Elle s'est disputée avec Jean-Pierre, hier soir. Oh, où cela? Près de la forêt. Le garde-chasse les a vus. Ils se sont battus? Ah, ça, je ne le sais pas, mais c'est possible. Mon Dieu, quelle histoire! Oh. Pourvu qu'elle ne soit pas blessée. Ah, on ne sait jamais. Au revoir, Madame Lecœur. Au revoir, facteur. Voici Madame Legrand, la femme du pharmacien, qui va chercher son pain. Bonjour, Madame Lecœur. Quelle chaleur, Madame Legrand. Ne m'en parlez pas. Vous avez mon pain? Le voici, tout frais et bien cuit comme d'habitude. Merci. Excusez mon indiscrétion, Madame Legrand, mais savez-vous si quelqu'un est venu chez vous chercher des médicaments pour Jeannette, la fille de l'épicier? Pourquoi? Elle est malade? Non, mais Jean-Pierre l'a battue. Oh. Hier soir, près de la forêt. Oh. Le garde-chasse les a vus. C'est le facteur qui me l'a dit. Mon Dieu. Alors je me demandais si votre mari ne l'avait pas soigné. Je ne sais pas, mais je m'en vais le lui demander. Si vous apprenez quelque chose, faites-le moi savoir. Je n'y manquerai pas. Mon Dieu, quelle histoire! La femme du pharmacien est rentrée chez elle, où elle retrouve son mari. Charles! Charles! Oui, voilà! Charles! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Non, c'est Jeannette, la fille de l'épicier. Eh bien? Tu ne l'as pas soignée hier soir? Non, pourquoi? Elle est malade? Jean-Pierre l'a frappée violemment hier soir dans la forêt. Elle est grièvement blessée? Je ne sais pas. C'est le facteur qui a dit à Madame Lecœur, la boulangère, que le garde-chasse les avait vus. Je ne savais rien. Oh. Écoute, je dois aller chez Firmin le coiffeur. Je vais lui demander s'il sait quelque chose. C'est cela! Va vite! Oh, mon Dieu! Oh, j'en suis toute bouleversée. Calme-toi, je reviens tout de suite. Nous voici chez le coiffeur. Le pharmacien est assis, une serviette autour du cou, le coiffeur le rase. Alors, vous disiez, monsieur Legrand, que Jean-Pierre l'a battu? C'est ce qu'a raconté le garde-chasse au facteur, qu'il l'a répété à Madame Lecœur, la boulangère, et ma femme vient de me rapporter la nouvelle. Eh bien, oh, je n'en savais rien. Et la blessure est grave? Grave, Je ne sais pas. En tout cas, assez, puisqu'elle n'est pas allée chercher son pain ce matin. Oh ! Elle n'est pas morte tout de même ? Non, car je crois que nous le saurions déjà. Oh ! Voilà, c'est fini, monsieur Lucien. Je vous remercie, Firmin. Alors, à demain. C'est cela, Firmin. Tiens, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Legrand. Vous connaissez la nouvelle, monsieur le maire ? Quelle nouvelle ? Demandez à Firmin. Il vous la dira. Ah, bonjour, Firmin. Bonjour, monsieur le maire. Asseyez-vous, je vous rase de suite. Merci. Ah. Alors, la nouvelle. Un crime. Hein ? Quoi ? Un crime sur la commune. Sans doute, monsieur le maire. Oh, oh, oh, tu veux rire. Oh, je n'en ai pas l'air. Un crime et je n'en saurais rien. Oh, ce n'est pas possible. C'est comme je vous le dis. Ah, et quel est le criminel ? Jean-Pierre. Ah, l'ami de Jeannette. Mm-hmm. Lui-même. Et la victime ? Jeannette. Hein ? Tu te moques de moi ? La nouvelle vient du garde champêtre qui a assisté à la scène. Oh. C'est lui-même qui l'a raconté au facteur, qui l'a dit à Madame Lecoeur, la boulangère. Celle-ci l'a répété à Madame Lucien, la femme du pharmacien, hein? Qui l'a dit à son mari, qui vient de me le répéter. Oh, c'est étrange. Et la police ne m'a pas prévenu. En effet. Mm-hmm. Ah. Voilà, vous êtes rasé, monsieur le maire. Ah, merci, Firmin. Ah. Je vais aller téléphoner aux gendarmes. Vous avez raison. Au revoir, Firmin. Au revoir, monsieur le maire. Nous voici à la mairie. Monsieur le maire téléphone à la gendarmerie. Allô, ici la gendarmerie. Allô, ici le maire. Mes respects, monsieur le maire. Bonjour, brigadier. Dites-moi, il y a un crime sur la commune et vous ne me dites rien ? Un crime, monsieur le maire ? Oui. Où ? Quand ? Qui ? Comment ? Jean-Pierre a assassiné Jeannette. Comment ? Jeannette ? La fille de l'épicier ? Et vous ne le saviez pas, hein ? Non. Mais comment le savez-vous vous-même, monsieur le maire ? C'est Firmin, le coiffeur, qui vient de me l'apprendre. Il le tenait lui-même du pharmacien. Oh, mais c'est sérieux alors ? Ah, ben, je le crois bien. Il faut ouvrir une enquête. Oh, mais vous avez raison, monsieur le maire. Je vais aller chez le père de Jeannette voir ce qui se passe. Je vous accompagne, brigadier, si vous le permettez. Oh, volontiers, monsieur le maire. Je passe vous chercher immédiatement. Très bien, je vous attends. Voyons, Firmin, monsieur le coiffeur, s'il vous plaît. Mais qui vous a appris la nouvelle ? Jeannette a disparu. Le brigadier l'a fait rechercher par son gendarme. Et pendant ce temps, le brigadier a réuni à la mairie monsieur le maire et le coiffeur, le pharmacien et sa femme. C'est ma femme qui m'a raconté ça. Et vous connaissez ma femme. Votre femme ? La boulangère et le facteur. Le garde-chasse et sa femme. Oui, cette nouvelle, je l'ai su par Madame Lecoeur la boulangère. Le père de Jeannette et Jean-Pierre. Ah bon, Madame Madame Lecœur, s'il vous plaît. Madame Lecœur. Mais madame, qui est-ce qui vous a raconté ça? C'est le facteur qui me l'a dit quand il est venu. Ah, très bien. Bon, voyons. Résumons. Monsieur le maire apprend par Firmin le coiffeur que Jeannette, la fille de l'épicier, a été assassinée hier soir près de la forêt par Jean-Pierre. C'est bien cela, n'est-ce pas? Ah, permettez, brigadier. C'est Monsieur Legrand, le pharmacien, qui me l'a raconté. Je n'ai jamais dit cela. Comment? Vous ne m'avez pas dit cela? Non. Ah, si. Mais non. Mais si. Mais enfin... Oh, silence. Monsieur le pharmacien, vous avez la parole. J'ai seulement demandé à Firmin, pendant qu'il me rasait, s'il avait entendu dire que Jeannette avait été blessée par Jean-Pierre. Vous m'avez dit qu'elle avait une blessure grave. Je n'ai pas dit cela. En tout cas, vous l'avez laissé entendre. Voyons, monsieur le pharmacien, de qui tenez-vous cette nouvelle? C'est madame Lecœur, la boulangère, qui l'a raconté à ma femme. En effet, brigadier, le facteur m'avait dit que Jean-Pierre et Jeannette s'étaient battus près de la forêt et que Jeannette était blessée. Pardon, madame. Le facteur vous a dit qu'il s'était disputé. Excusez-moi, brigadier, de vous interrompre. Oui? Mais je ramène mademoiselle Jeannette. Jeannette. Ah, ma fille. Mais qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, mademoiselle Jeannette, enfin, vous n'êtes pas morte. Non, brigadier, en voilà une question. C'est que, enfin, où étiez-vous? J'étais à la ville voisine, chercher le docteur pour la maman de Jean-Pierre qui est malade. Et vous ramenez le docteur, mademoiselle? Oui, il est en ce moment près de la maman de Jean-Pierre. Merci, Jeannette. Voyons, Jeannette, tu ne t'es pas disputée hier soir près de la forêt avec Jean-Pierre? Non, mais Jean-Pierre ne voulait pas me laisser aller chercher le docteur. Mais j'ai tellement insisté. Ah, enfin, ma fille, ma Jeannette, viens que je t'embrasse. Ah, papa! Mesdames, messieurs, brigadier, monsieur le maire, excusez-moi, mais cette histoire m'ouvre les yeux. Ah! Et enfin... Ah oui, puisque ses enfants s'aiment, eh bien, marions-les, monsieur le maire. Ah, papa! Bravo! Monsieur l'épicier. Allons, appelle-moi beau-père. Ah. Eh bien, voilà la plus belle enquête de ma vie. Mesdames, messieurs, le brigadier de gendarmerie vous offre un vin d'honneur pour fêter ce beau jour. Bravo, brigadier!